الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. الذي أكمل لنا ديننا، qui a parachevé notre religion pour nous. وأتم علينا نعمته، et qui a accompli sur nous son bienfait. ورضي لنا الإسلام دينا، et qui a agréé l'islam comme religion pour nous. واختار لنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، et qui a choisi pour nous Muhammad, prière et salut sur lui, comme imam ou comme prophète et envoyé. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. في احد الليالي نزل جبريل عليه السلام الى المدينه المنوره حاملا هذه الرساله. Dans une nuit, ou lors d'une nuit, l'archange Gabriel, prière et salut sur lui, est descendu vers Médine en portant ce message. هذه الآية الكريمة. Le message n'est que ce verset coranique. من الله تعالى وتبارك إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Un message de la part de Dieu le Très-Haut vers son bien-aimé Muhammad, prière et salut sur lui. يقول له, il lui dit, يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, comme annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur. Comme appelant à Dieu avec sa permission et comme lumière ou bien lampe éclairante. من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. Des éloges de part de Dieu pour son prophète, prière et salut sur lui. تكريم من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. Des honneurs ou un témoignage d'honneur fait par Dieu en faveur de son messager, prière et salut sur lui. سبعت أوسمة في آية واحدة. Sept médailles, sept honorifications dans un seul verset coranique. Ya ayyuhan nabi ou nabi. Al-Wissam al-Awwal nabi. Ya ayyuhan nabi ou. Le premier ou la première médaille, prophète. Ô prophète. Inna arsalnak, mana anta rasoul. Nous t'avons envoyé, ça veut dire tu es un envoyé, c'est la deuxième médaille. Shahidan, témoin. Mubashiran, wa mubashiran. Mubashir, anta mubashir. Annonciateur de bonnes nouvelles. Wa nadhiran, et avertisseur. Wa da'iyan ila Allah bi idhni, et appelons à Dieu avec sa permission. وسراجا منيرا أنت السراج المنير الذي سينير العالم من ظلمات العالم وظلمات الكفر وسراجا منيرا et une lumière éclairante, une lampe éclairante, la septième médaille. C'est-à-dire c'est toi qui vas éclairer le monde qui vit dans les ténèbres de la mécréance et l'injustice. بعد نزول هذه الآية، après la révélation de ce verset، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ومعاذا رضي الله عنهما. Juste après, le prophète, prière et salut, lui a appelé Ali et Mu'adh, que Dieu soit satisfait des deux. فقال، et leur dit، انطلقا، partez. tabashira wa la tunaffira, et annoncer les bonnes nouvelles sans faire fuir les gens de la religion, wa yassira wa la tu'assira, et faciliter sans faciliter la religion, sans la compliquer. Fa innahu qad nazala alayya al-layla wa qara lahum hadhihi al-aya, parce que j'ai reçu comme révélation pendant cette nuit, et il leur a lu ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا الكلام رواه الإمام بن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس. Ce récit a été rapporté par l'imam Ibn Abi Hatim et par l'imam al-Tabarani. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله, et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu, as-sadiq al-amin, sincère et véridique, qala sallallahu alayhi wa sallam, il dit prière et sait sur lui, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba, tous les membres de ma communauté entreront au paradis à part celui qui refuse. Qila wa man ya'ba ya rasul Allah, on lui dit, et qui refuse au messager de Dieu? قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Il leur dit, celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui refuse de m'obéir ou celui qui me désobéit, c'est lui qui a refusé. رواه البخاري, rapporté par l'imam البخاري. وتكلم مرة صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة فقال, une fois il a abordé le sujet du jour de la résurrection et il a dit, ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati, certes on va ramener des gens de ma communauté, c'est-à-dire le jour de la résurrection, fayu'khadhu bihim dhat ash-shimal, et on va les mettre de gauche ou dans le parti de gauche, fa aqulu ya, ceux qui sont à gauche c'est l'enfer, ceux qui sont à droite c'est le paradis. Ashabu al-yamin ila al-janna wa ashabu al-shimal ila jahannam. Fa yu'khadhu bihim dhat ash-shimal, fa aqulu ya rabb, je dis au Seigneur, ashabi sont mes amis. Fa yuqalu li innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. On me répondra, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. رواه البخاري ومسلم, rapporté par l'imam البخاري et مسلم. سيدي أمير الأنبياء, maître, émir des prophètes, صلى الله عليك عدد نجوم السماء, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, ورمال الصحراء, et au nombre des sables du désert, وأولاد آدم وحواء, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الإسلام, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdal al-salati wa azka al-salam, pour lequel on demande et on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. في الأسبوع القادم يحتفل العالم الإسلامي بذكرى ولادة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. La semaine prochaine, la semaine qui vient, le monde musulman va célébrer l'anniversaire de la naissance de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وذلك سيكون يوم الثلاثاء القادم 12 ربيع الأول الموافق ل 15 février. Et ça va être le mardi 12 printemps premier qui coïncidera avec le 15 février. وفي ذكرى ولادته لا نحتاج أن نشعل الشموع. Pendant son anniversaire ou l'anniversaire de sa naissance, on n'a pas besoin d'allumer des bougies. لأنه لا يحتاج للشموع, parce que il n'a pas besoin de bougies. لأنه هو السراج المنير, parce que c'est lui la lumière éclairante, c'est lui la lampe éclairante du monde, de l'univers, الذي أنار العالم, qui a éclairé l'univers. ونحن في هذه الذكرى, et pendant cet événement, cet anniversaire, أقول ليس الهدف. Je dis le but recherché n'est pas le fait. ليس الهدف ليس هو الحلوى واللباس والأناشيد وقصة الولادة. Le but ne réside pas de, dans le fait de préparer des gâteaux ou de porter de nouveaux vêtements ou bien de présenter des chants ou bien raconter l'histoire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ليس الهدف هو الاحتفال بولادته في يوم. Le but recherché n'est pas le fait de célébrer sa naissance dans une journée. ونسيانه طول الأيام أو طول السنة. Le célébrer en un jour et l'oublier pendant tous les jours de l'année. الهدف من هذه الذكرى التي ترجع في كل سنة. Le but de cet événement qui revient tous les ans. وأنا ما أحب أن أدخل في نقاش هل حرام حلال إلى أن تحتفل بالمولد. Et je ne veux pas rentrer dans une polémique pour moi stérile. Est-il halal ou non halal de célébrer ou ne pas célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? الذي يقول حلال فهي حلال عنده والذي يقول حرام فهي حرام عنده. Celui qui dit que c'est halal pour lui. Celui qui dit que c'est haram ou déconseillé, c'est haram ou déconseillé pour lui. ولكن أن لا تكون حرب بين هؤلاء وهؤلاء. هذا يرفضه الله ويكرهه الله. Mais qu'il n'y ait pas une guerre, même verbale, entre ce groupe et ce groupe. Chacun respecte l'autre dans ses convictions et ses croyances. الهدف من هذه الذكرى التي ترجع في كل سنة. Le but de cet événement qui revient tous les ans. هو أن تقوم خلالها بتقييم لحياتك. C'est qu'en ce jour, mardi prochain, tu fais un bilan de ta vie. هل أنت فعلا تتبع النبي؟ Est-ce que frère ou sœur, vraiment, tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam? هل ترى بنوره؟ Est-ce que tu vois avec sa lumière؟ بذلك السراج المنير الذي نعته الله هكذا. Est-ce que tu vois grâce à la lumière de cette lampe éclairante comme Dieu l'a dit? أم تعيش في الظلام؟ Ou est-ce que tu es en train de vivre dans des ténèbres؟ ولقد اخترت لكم بهذه المناسبة أربع آيات أو أربعة آيات قرآنية من القرآن الكريم. Et je vous ai sélectionné à cette occasion quatre versets coraniques من أربع سور مختلفة. Quatre versets pris à partir de quatre chapitres différents. Ayatan ani Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Deux versets à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ayatan lana nahnu. Et deux versets pour nous. Alladhina qulna bi annana mu'minun. Nous qui avons certifié qu'on est des musulmans, qu'on est des croyants. Amma ani Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa yaqulu al-mawla azza wa jal. En ce qui concerne le prophète, Dieu le Très-Haut dit « Wa ma yantiqu 'anil hawa » et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. « In huwa illa wahyun yuha » ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. « Fa kalam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lam yakun 'an hawa nafs » la parole du prophète, prière et sa ne venait pas de sa passion ou la passion de son âme. وَإِنَّمَا رِسَالَ أَوْحَاهَا اللَّهُ إِلَيْهِ. Mais plutôt c'était des paroles que Dieu lui a révélées. لِيُبَلِّغَهَا لَنَا. Afin qu'il les transmette à nous. وَالْآيَةَ الثَّانِيَةَ تَقُولُ لِمُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Le deuxième verset coranique s'adressait au prophète. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Certes, tu jouis d'une très grande moralité. فخلق النبي صلى الله عليه وسلم عظيم. Donc le caractère ou la morale du prophète, prière et sa souris, est excellent ou excellente. كما خلقه القرآن. Son caractère était coranique. فالله أقسم في الآيتين. Dieu a juré dans les deux versets. أقسم في الأولى بالنجم. Dans le premier verset, il a juré. Dieu a juré par l'étoile. وأقسم في الثانية بالقلم et dans le deuxième il a juré par le kalam, la plume ليقول لنا afin de nous dire بأن كلام محمد صلى الله عليه وسلم وحي pour nous dire que la parole de Muhammad, prière et sanctuaire, était une révélation وخلقه عظيم et afin de dire dans le deuxième que son caractère était noble, était excellent, il n'y a pas plus excellent que lui. Kalamuhu Qur'an, sa parole est coranique. Khuluquhu Qur'an, sa morale est coranique. Fa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kana yumattilu al-Qur'an bis-sawti was-surah. Donc Muhammad, prière et sa sourire, représentait à lui seul le Coran par le son et par l'image. كان صلى الله عليه وسلم قرآنا متحركا il était prière et sa suite un Coran mobile اما عنا فيقول الله في الآية في آية ثالثة التي اخترت en ce qui nous concerne Dieu nous dit dans un troisième verset que j'ai sélectionné وما آتاكم الرسول فخذوه Ce que le messager vous donne, ou vous ordonne, ou vous rapporte, prenez-le, ou bien suivez-le. Et ce qu'il vous interdit, interdisez-le à vous-même. Et craignez pieusement Dieu. Dieu a certes le châtiment bien sévère. ويقول لنا في الآية الرابعة il nous dit dans le quatrième verset sélectionné لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا vous avez effectivement dans le messager de Dieu un bon exemple ou bien un bon modèle à suivre pour celui qui espère rencontrer Dieu et voir le jour ultime et qui a beaucoup évoquer Dieu. وأحب أن أربط الآيات الأربعة مع بعضها البعض. Et j'aimerais là faire un lien entre les quatre versets coraniques tirés à partir de quatre chapitres différents. وكأن الله يقول لنا et comme si Dieu nous disait بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي وما ينطق عن الهوى فاسمعوه وما أتاكم الرسول فخذوه. Comme s'il nous disait comme quoi la parole du prophète, prière et sa sourire, est une pure révélation. Écoutez-la et suivez-la. Et mettez ses ordres en pratique. Et évitez ce qu'il vous a interdit. Et il nous dit que comme quoi le caractère du prophète, prière et sa sourire, sa morale est excellente, noble. Donc faites de lui un modèle dans votre vie. Et celui qui ne met pas ça en pratique, celui qui refuse de suivre ou de faire du prophète prière et sa sourire, un modèle qui l'attend le châtiment sévère. Fil yawm al-akhir, dans le jour dernier. Wa nahnu al-ana fi shahri wiladatihi sallallahu alayhi wa sallam, comme maintenant on est dans le mois de sa naissance, fa ahsanu shay'in naqumu bihi, la meilleure chose à faire pendant son mois ou pendant le jour de sa naissance, huwa an nuqayyim a'malana, c'est que on doit évaluer nos œuvres. هل طبقنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم avons-nous suivi la parole du prophète prière et sa sur lui هل اتبعنا خلقه avons-nous suivi son modèle son caractère sa morale على كل واحد منا ان ينظر كم اقترب ام كم ابتعد من كلام وخلق النبي صلى الله عليه وسلم Le mardi prochain, pendant tout le mois, chacun de nous doit faire le bilan, chacun de nous doit voir combien s'est-il rapproché ou s'est-il éloigné de la parole et du caractère du prophète, prière et sage-lui. Et afin de vous faciliter ou de nous faciliter le test d'évaluation, l'innabi sallallahu alayhi wa sallam. Afin de faciliter le test, je vais exposer devant vous quelques paroles prophétiques. لِيُحَاسِبَ كُلَّ وَاحِدٍ نَفْسَهُ, afin que chacun de nous puisse juger sa propre personne. فَهَذَا نَبِيُّكُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتَكَلَّمُ مَعَكُمْ. Voici votre prophète, Muhammad, prière et salut sur lui, qui vous adresse la parole. الحديث الأول, le premier hadith, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وإلا أنت كاذب ولست مسلم. إذا كنت تضر الناس بلسانك بيدك أين إسلامك. Le musulman est celui qui épargne les musulmans du mal qui peut venir de sa bouche ou de sa main. رواه الإمام البخاري, rapporté par l'imam al-Bukhari. Si mon frère ou ma sœur, tu fais du mal aux autres avec ta main ou avec ta bouche, tu racontes des choses inexactes à leur propos, tu n'es pas musulman, même si tu le prétends. Al-Hadith al-Thani, le deuxième hadith, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un de vous n'est vraiment croyant que lorsqu'il aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Rawah al-Bukhari, rapporté par l'imam al-Bukhari. Al-Hadith al-Thalith, le troisième hadith, Ayatul Munafiqi Thalath, les signes de l'hypocrite sont au nombre de trois. Ida haddatha kadhab, lorsqu'il parle, il ment du mensonge. Wa idha wa'ad akhlaf, et lorsqu'il promet, il ne respecte pas sa promesse. Wa idha tumina khan, et lorsqu'on lui confie un dépôt, il le trahit. Al-Bukhari. Al-Hadith al-Rabi', le quatrième hadith, سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Insulter un musulman est une perversité, le combattre est une mécréance. Al-Bukhari. Surveille-toi si tu insultes les autres, si tu dis des énormités sur les autres, tu es un pervers. Si tu combats les autres, tu es un mécréant. Al-Qatil wal-Maqtoul finnar. Il dit dans un autre hadith, le tueur et la victime, la tuée, sont les deux en enfer. Al-Hadith al-Khamis, le cinquième hadith, Alladhi tafutuhu salatul asr ka'annama wutira ahlahu وماله كأنه ضيع الأهل والمال بقي بلا أهل ولا مال. البخاري. Celui qui rate la prière de l'Asr, la prière qui est entre Dhuhr et le Maghrib, celui qui la rate, c'est comme s'il a perdu tous les membres de sa famille et tous ses biens. L'imam al-Bukhari. تخيل يا أخي في يوم واحد يضيع مالك ويموت كل أحبابك وتنام في الطريق, كيف يكون إحساسك؟ Imagine avec moi, mon frère ou ma soeur, dans une journée tu perds tous les membres de ta famille, tous les plus chers à toi, et tu perds toute ta fortune, ton travail, tu n'as plus rien, et tu passes la nuit sous la belle étoile, dans la rue. Comment seront-ils tes sentiments? Est-ce que lorsque tu rates la prière de l'Asr, tu ressens la même chose? Tu ne ressens pas la même chose, tu n'es pas un bon musulman. Tu dois ressentir ça, ce sentiment. Quand tu rates la prière, tu dois avoir ce sentiment-là. Le prophète dit l'Asr, mais on peut généraliser. Celui qui rate la prière de l'Fajr, la même chose. Celui qui rate la prière de l'Isha, la même chose. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحديث السادس للسيزيام حديث ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء البخاري. Il n'y a pas une prière aussi lourde pour les hypocrites plus que celle de l'Fajr, l'aube, quand les gens dorment, l'aube et Al-Isha. Al-Isha, en été, lorsque Al-Isha est à minuit moins quart, et les gens ont dormi à 11 heures du soir. Afqal salat ala al-munafiqin, Al-Bukhari, c'est l'imam Al-Bukhari. La prière la plus lourde pour les hypocrites, la prière de l'aube et de l'Isha. Et regarde comment tu fais, mon frère ou ma sœur. يقول في الحديث السابع, il dit dans le septième hadith, من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Celui qui ne dévoile pas les secrets ou bien les défauts ou bien les péchés ou bien les erreurs d'un musulman, Dieu ne dévoilera pas ses défauts ou ses péchés le jour de la résurrection. Al-Bukhari, l'imam Al-Bukhari, كم أتألم, combien ça me fait mal quand des gens parlent pendant l'absence des autres et ils disent des choses inexactes pour nuire à leur image, pour les détruire avec le mensonge en plus. Et si c'était vrai, والله كم يضرني الحال لما ناس يخربون سمعة أحد بالكلام الكاذب بشيء لم يقم به لم يفعله ويسمحون لألسنتهم بالاتهامات والأكاذيب. على الأقل يا أخي إذا سمعت ما يقال لا تصدق, دافع. Au moins, mon frère, quand tu entends des choses pareilles, ne crois pas. Ne crois pas à ce qu'il raconte. Au moins, défends la personne absente et Dieu te défendra. Al-Hadith al-Thamin, le huitième hadith, الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. L'injustice deviendra des ténèbres pendant le jour de la résurrection. Al-Bukhari. الحديث التاسع, le neuvième hadith, اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. Craignez pieusement Dieu et soyez juste à l'égard de vos enfants. البخاري. ربما تحب واحد وهذا هو الذي ستاتي منه المصائب لما يكبر, وربما تكره واحد وهذا الذي سينفعك في حياتك وبعد موتك. اذا انت لا تعلم, الله هو الذي يعلم الغيب. كن يا اخي عادلا, اعدلوا, اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. البخاري. Craignez pieusement Dieu et soyez équitable à l'égard de vos enfants. Peut-être tu aimes quelqu'un, il a 3 ans, il a 10 ans, il a 12 ans, et peut-être c'est celui-ci qui va te faire mal lorsqu'il sera adulte ou lorsqu'il sera adolescent, et il se peut que tu n'aimes pas trop un autre à l'âge de 9 ans, à l'âge de 8 ans, à l'âge de 12 ans, 15 ans, et peut-être c'est celui-ci qui va te faire beaucoup de bien quand il grandira, quand tu es là dans ta vie ou même après ta mort. Quand tu ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir, donc sois équitable, ne préfère personne par rapport à personne, sinon tu es injuste. Al-Hadith al-Ashir, le dixième hadith, اجتنبوا السبع الموبقات وذكر الشرك بالله والسحر. Le prophète dans le dixième, il dit, évitez les 7 péchés capitaux ou graves ou énormes. Et il a cité l'association et la sorcellerie. La sorcellerie. As-sihru kufr. La sorcellerie est une mécréance. Et la mécréance. Allam yadhhab 'inda as-sahir kafara bima unzila 'ala Muhammad. Celui qui visite un sorcier devient automatiquement un mécréant à l'égard de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bukhari. Al-Hadith al-Hadi Ashar. Le 11e hadith. Man sama yawman fi sabilillah ba'ad Allah wajhahu 'anil nar 70 kharifan 70 aman. Al-Bukhari. Celui qui jeûne pour Dieu un seul jour, Dieu va éloigner son visage de l'enfer de 70 automnes, ça veut dire 70 jours. Ça c'est à l'extérieur du mois de Ramadan. Kharij Ramadan. Al-Bukhari. أتدرون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بمولده؟ Est-ce que vous savez, mes frères et mes sœurs, comment le messager de Dieu célébrait son anniversaire? كان يحتفل كل أسبوع. Il l'a célébré chaque semaine. كان يصوم يوم الاثنين يوم ولادته. Il jeûnait tous les lundis parce que le lundi était le jour de sa naissance. الحديث الثاني عشر. Le 12e hadith, la yakhluwanna rajulun bimra'ah. Qu'aucun homme ne reste seul à seul avec une femme. Un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Bukhari, l'imam al-Bukhari. Ne reste pas seul, mon frère, avec une femme. Ma sœur ne reste jamais seule avec un homme qui n'est pas ton père. Ma tbqaych ma wahed, ras f ras huwa mashi bak. Mashi zawjuk, qui n'est pas ton mari. Mashi ldek, qui n'est pas ton fils. Mashi khouk, qui n'est pas ton frère. Hadha dhi'b, il s'agit d'un loup avec lequel tu es là maintenant. Ma tqoulch hadi nsiba diali, ne dis pas c'est ma belle-sœur. Ma tqoulch hadi bint khalti ou bint ammi, ne dis pas c'est ma cousine, c'est haram. Ta cousine c'est haram. Il ne dit pas c'est ma fiancée, je vais me marier avec elle d'ici 2 mois. Je peux. Non, tu peux pas. C'est interdit. Et fais ce que tu veux. Hein. Fais ce que tu veux. Mais tu fais l'interdit. Sache-le. Al-Hadith Kiltash, le 13e hadith, Inna rijalam yatakhawwaduna fi malillahi bi ghayri haqq. Il y a des gens qui prennent de l'argent de Dieu sans aucun droit. Ils auront le feu de l'enfer le jour dernier. Kul centime, jamra min jimar jahannam. Chaque centime est une braise parmi les braises de l'enfer. Al-Bukhari, l'imam Al-Bukhari. Al-Hadith 14, le 14e hadith. Idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat. Si un homme invite sa femme à son lit et elle refuse et il passe la nuit fâché contre elle, les anges vont la maudire jusqu'au matin. À part dans le cas où la femme est fatiguée ou malade, etc. Rawah al-Bukhari, rapporté par l'imam al-Bukhari. Peut-être quelqu'un va dire, mais c'est quoi cette religion chez vous? On parle de l'homme et on ne parle pas de la femme. On parle aussi de la femme. Et on leur doit ce qu'elles doivent elles-mêmes. Bimana, idha da'at al-mar'atu zawjaha ila firashiha, fa'aba la'anathu al-mala'ikatu hatta yusbih. Ceci avec ce verset coranique qu'on comprend. Si une femme invite son mari à son lit et il refuse, les anges le maudissent jusqu'au matin. Al-Hadith 15, le 15e hadith. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara. Celui qui croit vraiment en Dieu et au jour dernier, qu'il ne fait pas de mal à son voisin. Al-Bukhari. Al-Hadith 16. Le 16e hadith. Man shariba al-khamra fi ad-dunya thumma lam yatub minha hurimaha fi al-akhirah. Celui qui consomme le vin et sans se repentir de cette consommation, il en sera privé dans l'au-delà. Dans l'au-delà, il n'aura pas l'occasion de boire ou le vin sera interdit pour lui dans le paradis, dans le cas où il accède au paradis. Al-Hadith 17, le 17e hadith, Kullu sharabin askara fahuwa khamr. Toute boisson enivrante est interdite. Al-Bukhari. Al-Hadith 18, la drogue et tout le reste. Al-Hadith 18, 18e hadith, Khaliful mushrikin. Différenciez-vous des associateurs, des non-musulmans. Wafiru liha. Épargnez les barbes. Wahfu shawarib. Et coupez les moustaches. Al-Bukhari. كيف ستفعل يا أخي لما تقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكما كنت في الدنيا ستبعث يوم القيامة. Comment vas-tu faire mon frère le jour où tu seras face au prophète, prière et sur lui, et comme tu étais dans ce monde tu seras ressuscité sans barbe. Qu'est-ce que tu vas dire au prophète صلى الله عليه وسلم, qu'est-ce qui t'a empêché de l'apporter? Al-Hadith s'attache, le 19e hadith, Man la yarham la yurham. Celui qui n'est pas miséricordieux sera privé de la miséricorde de Dieu. Al-Hadith 20, le 20e hadith, La yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alayhi in lam yakun sahibuhu kadhalik. Si quelqu'un accuse l'autre par la perversité ou par la mécréance, si l'accusé ne mérite pas les accusations reviennent pour se mettre sur la tête de l'accusateur. Al-Bukhari. Al-Hadith 21, le 21e hadith, La tabaghadu, ne vous détestez pas les uns les autres. La tahasadu, ne soyez pas jaloux les uns des autres. La tadabaru, ne tournez pas le dos les uns aux autres. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, et soyez serviteurs de Dieu des frères. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَ أَيَّامٍ, et il n'est pas permis à un musulman d'abandonner ou de couper une relation avec son frère plus que trois jours. Al-Bukhari. Al-Hadith 22, le 22e hadith, La tardab, la tardab, la tardab, ne t'emporte pas, ou bien ne t'énerve pas, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Qalaha li rajul talab al-wasiyya. Le prophète l'a dit à un homme qui lui a demandé conseil. Al-Hadith 23, le 23e hadith, Khiyarukum, khiyarukum li nisaihim. Les meilleurs de vous sont les meilleurs envers leur épouse. إذا كنت خيرا مع زوجتك فأنت خير عند الله. Si tu es bon, excellent avec ton épouse, sûr, tu es bon et meilleur auprès de Dieu. إذا كنت نائم, si tu es un misérable, un mauvais avec ta femme, فأنت نائم عند الله. Tu es misérable, tu es mauvais auprès de Dieu. Et la femme, la même chose. Dans une version, La tadribu ima Allah. Ne frappez pas les servants de Dieu. Rawa l'imam Abu Daoud bi isnad sahih. Al-Hadith 24, le 24e hadith, Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyyati. De vous est responsable et chacun de vous sera interrogé à propos de sa responsabilité. Ça veut dire l'homme à propos de sa famille et la femme à propos des enfants de son mari. Et bien sûr l'émir à propos de la responsabilité de son pays. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oul 'an ra'iyati. Al-amir yus'al 'an biladihi. والزوج عن زوجته وأولاده والزوجة عن أولاده وبيت زوجها. متفق عليه. Ce hadith est unanimement authentique. الحديث 25, le 25e hadith, مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. Apprenez la prière à vos enfants à l'âge de 7. الحديث 26, le 26e hadith, الوالد يعني الأب والأم أوسط أبواب الجنة. le géniteur, c'est-à-dire ton père ou ta maman, constitue la porte centrale du paradis. Ay khayriya, c'est-à-dire la meilleure porte. Fa in shi'ta fa adi' dhalika al-bab aw ihfadhu. Si tu veux détruire cette porte, ou bien préserve-la. Rawahu at-Tirmidhi, rapporté par l'imam Tirmidhi. Wa fi riwaya dhakara 'uquq al-walidayn min akbar al-kaba'ir. Il a cité la désobéissance aux parents parmi les péchés les plus énormes auprès de Dieu. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Al-hadith 27, le 27e hadith. La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu darratin min kibr. N'entrera pas au paradis celui qui a le poids d'un atome d'orgueil dans le cœur. Muslim, rawahu al-imam Muslim. Al-hadith 28, le 28e. Tajiduna sharra an-nas dal-wajhayn. Vous trouvez que le pire des gens est celui qui possède deux visages. Alladhi ya'ti ha'ula biwajh wa ha'ula biwajh. Qui rencontre ce groupe avec un visage et qui rencontre le deuxième groupe avec un visage. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Al-hadith 29, le 29e hadith. Iyakum wal-hasad. فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. Méfiez-vous de la jalousie, parce que celle-ci dévore les bonnes actions comme le feu qui dévore le bois sec. الحديث 30, le 30e hadith. ومن غشنا فليس منا. Et celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres, n'est pas un musulman. Tu es un vendeur, tu triches lorsque tu vends aux musulmans ou aux nôtres, tu n'es pas un musulman. Tu es un artisan, tu trompes, tu triches, tu n'es pas parmi les musulmans. Rawahu al-Imam Muslim. Al-Hadith 31, le 31e hadith. La'ana Rasulullahi al-mutashabbihina min al-rijal bin-nisa wal-mutashabbihatu min al-nisa bil-rijal. Le messager de Dieu a maudit les femmes qui veulent paraître comme des hommes, qui veulent ressembler à des hommes, un pantalon serré, une chemise et dans la rue. Même l'homme ne porte pas un pantalon moulant ou serré. والمتشبهات من النساء بالرجال. Et le prophète aussi a maudit les hommes qui veulent ressembler à des femmes, qui veulent devenir dans leur apparence comme des femmes. تقصير الشعر, le fait de raccourcir les cheveux. تطويل أو تطويل, ou bien le de laisser long pour les hommes les cheveux. أو في الزينة, dans la parure. سلس, il dégormait des colliers. C'est quoi cet homme? Un homme version je ne sais pas quoi, une version loin en tout cas de l'islam, de la version musulmane. Un collier, tu es un homme. Subhanallah. Une gourmette et tu es un homme. Une boucle dorée, tu es un homme. Et tu es musulman, tu es un homme. Mais est-ce que tu es musulman? Al-Hadith 32, le 32e hadith. Nisa'un kasiyatun 'ariyat. Des femmes habillées, déshabillées, c'est-à-dire elles ne portent pas le voile. Elles laissent paraître le bras, elles laissent paraître le ventre ou la poitrine, qui laisse paraître les jambes ou autre chose. Nisa'un kasiyatun 'ariyat. Des femmes habillées, déshabillées. La yadkhulna al-janna wa la yajidna rihaha. N'entreront pas au paradis et ne rencontreront pas le parfum du paradis. Rawahu al-Imam Muslim, rapporté par l'Imam Muslim. Al-Hadith 33, le 33e hadith. La'ana Allahu al-mutanammisat. Dieu a maudit celle qui épile les sourcils. Allati ta'khud min sha'ri hajibiha liturqiqahu. Celle qui enlève des poils de ses sourcils afin de rendre très fin les sourcils. Liyasira hasanan, afin que le visage devienne beau. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. La malédiction sur ces femmes. Al-Bukhari Muslim. Li'anna al-husna huwa husnul khuluq. Parce que la vraie beauté ne se trouve pas dans le visage. La vraie beauté est celle du caractère. Ma sœur, tu veux devenir belle, sois coranique. Comme le prophète l'était, et Dieu l'a décrit comme beau. الحديث 34 الأخير le dernier حديث 34 من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك celui qui jure par autre chose que Dieu devient mécréant ou associateur sur le Coran أشهد sur le Coran هذه وحق القرآن وحق الحليب ديال الوالدة celui qui jure par le lait de maman ou par Sidiflen ou par le sein je ne sais pas quoi etc. Tout ça c'est de la mécréance ou qui jure sur la tête de ma mère tu es mécréant mon frère d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam At-Tirmidhi l'imam At-Tirmidhi هذا قليل من كثير il s'agit d'un peu à partir d'un nombreux هذه قطرة من بحر il s'agit d'une goutte à partir d'un océan de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam وأنا اخترت منها القليل لتقييم أعمالنا bien sûr j'ai sélectionné quelques-uns pour faire le bilan de nos œuvres ولنرى هل احترمنا سنة النبي أم تركناها et afin de voir est-ce que nous avons respecté ou négligé la sunna du prophète أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته وعلى كل من اقتدى بسنته واقتفى لأثره صلى الله عليه وسلم أما بعد عباد الله après ceci adorateur de Dieu في الأسبوع القادم يوم الثلاثاء يكون ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم le mardi prochain il y aura l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa aqul inna al-umma fi hadha al-asr je dis que dans cette époque la nation d'islam hadha al-asr asr al-mashakil wal fitan ka qita'i al-layl al-mudlim cette époque de problèmes de crises comme des pièces nocturnes de la nuit yatba'u ba'daha ba'dan des crises qui se suivent الأمة في حاجة كبيرة la nation se trouve dans un grand besoin à ces deux jumeaux لهذين التوأمين القرآن والسنة le Coran et la Sunna du prophète صلى الله عليه وسلم فالمخرج من كل المشاكل والفتن l'issue de tous les problèmes et crises كتاب الله وسنة نبيه c'est le livre de Dieu et la Sunna de son prophète فإن النبي قد تركنا على المحجة البيضاء le prophète nous a laissé sur la voie claire, blanche, layluha ka nahariha, sa nuit ressemble à son jour, fiha daw'un bil layl wan nahar, une voie éclairée jour et nuit, la yaziru anha illa halik, et il n'y a que le perdant qui s'en écarte. Wa inna al-umma al-an qad tarakat sunnat an-nabi, et la nation d'aujourd'hui a abandonné la sunna. فعاشت في المشاكل et elle a vécu dans les problèmes wal azamat et les crises, wahida ba'd al-ukhra, une après l'autre. إن الأمة اختارت طريق الظلام والفتن la nation a opté pour le chemin des crises et des ténèbres وتركت المحجة البيضاء et a abandonné la voie éclairée أخي أختي frère, sœur إذا كنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم dans le cas où tu suis le prophète prière et sa suite كما أمر الله comme Dieu l'a dit فهنيئا لك félicitations à toi فسيسقيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ton bien-aimé محمد va te donner à boire fi yawm al-atash pendant la journée de la grande soif min hawdihi al-kawthar à partir de son bassin al-kawthar wa bi yadihi al-karima et avec sa main noble sharba la ta'rifu ad-dama'a ba'daha une gorgée ou un verre ou une boisson après laquelle tu ne reconnaîtras plus la soif wa amma in kunta la tattabi'u an-nabi mais dans le cas où tu ne suis pas le prophète wa tabayyana laka min al-ahadith allati dhakarna annaka ba'idun anhu et tu as compris à partir des 34 hadiths d'aujourd'hui que tu es loin de lui fa'lam bi annaka tuhibbu al-hawa wash-shahawat sache mon frère ou ma sœur que tu aimes ta passion tu aimes les désirs falihada tattabi' ashab al-hawa wash-shahawat raison pour laquelle tu suis les gens des passions et des désirs واعلم بأنك لا تحب الله اي sache que tu n'aimes pas Allah وتوب إلى الله بسرعة et repens-toi rapidement vers Allah من الآن à partir d'aujourd'hui à partir d'hier أن حب الله يؤدي إلى اتباع النبي. Parce que l'amour sincère de Dieu mène vers le suivi du prophète. قال الله تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dit, si vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi, Dieu vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. فأحسن هدية تقدمها لنفسك بمناسبة ميلاد النبي. Le meilleur cadeau que tu puisses présenter à toi-même le jour de la naissance du prophète, هي حب الله لك, c'est le cadeau qui s'appelle l'amour de Dieu pour toi. مغفرة ذنوبك من طرف الله, l'absolution de tes péchés de la part de Dieu. وثمن هذه الهدية أن تتبع النبي. Le prix, c'est que tu suives le prophète. أما الذين يرفضون هذا المبدأ, tandis que ceux qui refusent ce principe, ils ne veulent pas le suivre. فإن الله يقول لهم في آية, Dieu leur dit dans un verset coranique, فليحذر الذين يخالفون عن أمره, الذين يبتعدون عن المحجة البيضاء, فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة, بمعنى كقطع الليل المظلم, أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. أخي أختي, frère, sœur, اختر, choisis. إما أن تتبع النبي, soit que tu suives le prophète, لك محبة الله ومغفرة لذنوبك, et en contrepartie tu auras l'amour de Dieu et l'absolution de tes péchés. وإما خالف أوامره, ou bien contrarie ses ordres, ولك فتنة وعذاب أليم, et tu auras l'épreuve et tu auras le châtiment douloureux. وفي الأخير, et à la fin, الإخوة الذين ينظمون يعني المرور في الباركين, les frères qui organisent la circulation dans le parking et dans la rue, يعملون مع الله, ils travaillent avec Dieu pour nous organiser. يريدون أن ينظمون, يعملون مع الله. فالذي لا يسمع لهم هو لا يسمع لله. Celui qui refuse de suivre ce qu'ils disent, il ne veut pas écouter Dieu, il s'oppose à Dieu subhanahu wa ta'ala. لا يمكن أن نعيش من غير تنظيم. On ne peut pas vivre sans organisation. فبارك الله فيكم, اسمعوا كلامهم. S'il vous plaît, que Dieu vous bénisse, écoutez leurs conseils et ordres. وبارك الله جميع. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب, يا من لا إله إلا أنت, يا واحدا في عليائك, يوم الثلاثاء القادم يكون ذكرى ولادة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يتبعون سنته. اللهم لا تجعلنا من أهل البدع والأهواء والشهوات. اللهم اجعلنا على سنته, أحينا على سنته, أمتنا على سنته برحمتك يا أرحم الراحمين, رجالا ونساء, شيوخا وشبابا. يا رب, يا من لا إله إلا أنت, إننا في زمن المظاهرات, إننا في زمن الثورات, رأينا ثورة تونس واليوم نرى ثورة مصر. يا رب, يا من لا إله إلا أنت, يا رب اختر الخير كله للمسلمين أينما كانوا. يا رب اختر للمسلمين ما هو خير لهم. يا رب احفظ المسلمين من كل المزالق ومن كل الفتن. يا رب ارحم عن المسلمين المحن. يا رب اهدنا سواء السبيل. يا رب اهد المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب إننا في يوم الجمعة. يا رب احفظ دماء المسلمين. يا رب احفظ دماء المسلمين. يا رب طهر بلاد المسلمين من الظالمين, من كل الظالمين. يا رب امنح المسلمين الحرية والأمان وحب الدين. يا رب